Brillant orateur, opposé par Platon à Socrate, Protagoras nous a laissé cette formule « L'homme est la mesure de toute chose ». Lueur dans les ténèbres. Ne jongle plus, Protagoras. En toi, le silence est venu. De vous chanter, ô mon, que neige la puissance. Dieu, tu fis la verdure et le temps des moissons. Poète, n'as-tu pas quelque reconnaissance envers celui qui t'a dicté cette chanson? Un jour bientôt, luira, où la vieille campagne bercera de la mer et ma flamme et ma voix, où je retrouverai sous tes arbres, montagne, dont l'ombre fit pâlir ma muse d'autrefois. Le rythme que je cherche et qui serait propice à l'Orphée pleurant son Eurydice. Que m'importe vraiment la hache des victoires? Que m'importe vraiment la cabale et l'histoire? Je suis là de parler. Je suis là des romans de la littérature et des vieux monuments. Nature, océan glauque, ô bois, lande profonde, c'est vous que j'aime. Automne à la crinière blonde, pommier moussu, c'est vous que je saurais chanter si la muse à ma plume apprenait à marcher. Mais non, le feu s'éteint, et ton aile pâlit. La campagne s'efface, l'inspiration recule. Poète, tu n'es plus, à toi-même réduit, qu'un rustre grammairien, retrousseur de virgules. Et vous, mauvais démon, qui me livrez la guerre, votre tâche est finie, car l'homme de naguère, le pédant, reparaît. Je suis encore vaincu.